La cuisine de poème par Émile Verhaeren, enregistré pour LibriVox.org par Yasmine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. La cuisine. Au fond, la crémaillère avait son croc pendu. Le foyer scintillait comme une rouge flaque, et ses flammes, mordant incessamment la plaque, y rangeaient un sujet obscène en fer fondu. Le feu s'éjouissait sous le manteau tendu, sur lui, comme l'auvent par-dessus la baraque, dont les bibelots clairs de bois, d'étain, de lac, crépitaient moins aux yeux que le brasier tordu. Les rayons s'échappaient comme un jet d'émeraude, et, ci et là, partout, donnaient des chiquenaudes. De clarté vive aux brocs de verre, aux plats d'émail. À voir sur tout relief tomber une étincelle, on eût dit, tant le feu s'émiettait par parcelles, qu'on vannait du soleil à travers un vitrail. Fin de la cuisine.